Sa kap gade ou la ou ta posede l so ta bezwen anko oh an yè pase sa nan pwen se pa ekzanp li ta mande ou koto ap travay so ta dil belambi belambi belambi se pa ekzanp li ta mande ou ki servis ou fè so ta dil servis de nuit de nuit de nuit fè e se pa aza li ta di ou ki jon fè vin piti kon sa so ta repon mais son question de tout la nuit là pas non de nuit Passa dormi, pinto no crayon, já caiu toda a nuit. Agade não, que Deus só fez com isso. Alguém jouette na mão, guapi, mou passe, você lá vê isso. Jouette na mão, você fica pra ver, jouette lá. Gadon de nuit, com mamã. Passa dormi, pinto no crayon, já caiu toda a nuit. C'est vrai, oui. Ou regrette dans l'école ça. On n'y peut ton crayon dans mes mains, et puis on va vous faire papier tout noir. Et puis on dit d'écrire, écrire, mais pour la petite bout de la crétant. C'est vrai, oui. Ou regrette ma fille. Ou regrette ma fille. C'est vrai, oui. Ou regrette ma fille. Ou regrette. Tout le temps, nous avons mon crayon. Ma fille d'écrire, on fait papier noir. Crayon fini, petit bout de la crétant même. Ou regrette. Ou regrette ma fille. Ou regrette, oui. Ou regrette. Regrette ma fille, regrette, regrette, regrette ma fille.